Jésus en musique. Jésus en musique, votre espace musical. Un cocktail de musique chrétienne, de chants de louange et d'adoration. Jésus en musique, c'est aussi les anciennes gloires et les meilleures sonorités du moment. Des rencontres musicales, des entretiens avec les partenaires de la musique chrétienne. Une heure de causerie débat, d'entretien avec les partenaires de la musique en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Animateur, producteur, promoteur de spectacles à caractère musical, artiste musicien, arrangeur, manager chrétien. Cette émission est la vôtre. Jésus en musique, c'est la musique d'ici et d'ailleurs sur les 89.4. Présentation, François Delormas. El Shaddai, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de consoler. De vie, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de bénir les enfants. Console-moi de nouveau. nouveau. Guéris mon âme, oh Seigneur. Console-moi de nouveau. Et je désire retrouver le chemin de ta maison. Je désire retrouver le chemin de ton intimité. Par ton nom puissant, guéris mon cœur. Par ton nom puissant, guéris ma vie. Par ton nom puissant, Seigneur, rien que par ton nom, Jésus. Je suis perdu, oh papa, et je n'ai personne pour m'aider. Mais je crois en ton amour, papa, tu ne me laisseras. Je sais que vous êtes très loin, ouais, très loin, c'est bon. Voilà, en tout cas, vous faites bien de nous suivre hein, dans le cadre de Jésus en musique. Pour parler musique, pour parler d'un nouvel album, hein, Yeshua, ton nom m'émerveille. Voilà, et ça, c'est le nouvel album de notre sœur, hein, voilà, la salmiste Florence Dedo. Elle est ici avec nous dans ce studio pour essayer de commenter, de présenter, voilà, d'argumenter autour non seulement des thèmes qui sont développés, mais de la musique qui eh bien, soutient tout le message qu'elle véhicule. Voilà, on va écouter ça, cette partie-là, Edouard. Au nom de ton amour, viens Seigneur, au nom de ton amour, viens. Alors, bonjour. Voilà, Florence, bonjour. Bonjour, chers auditeurs de la fréquence de la vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, alors, ça, c'est. Quand j'écoute le son du guitariste, c'est de l'acoustique. Hein, oui, de l'acoustique. C'est quoi? C'est un choix personnel ou bien c'est l'arrangeur qui l'a voulu ainsi? Non, pas l'arrangeur. Le cantique a été conçu dans l'esprit de la prière. Mm-hmm. Donc, du coup, on se retrouve dans une pièce avec l'individu qui parle à son Dieu. Mm-hmm. Donc, on a jugé bon de ne pas utiliser tous les instruments de musique, mm-hmm. seulement avec le piano mm-hmm. et la guitare. Mm-hmm. Nous voulons nous exprimer. Mm-hmm. L'acoustique relève de ce qui est du son brut de l'instrument. Donc on a voulu la vérité, la véracité, la couleur des instruments. Parce que là, on dit, je dévance l'aurore. Donc quand je dévance l'aurore, je prie. Je n'ai pas tout à côté de moi. Je veux parler à mon Dieu tel qu'il me voit, tel que je suis, tel que je me suis révélé. Voilà. En tout cas, oui, je dévance l'aurore et je prie. Hein. Mon Dieu, entends-moi. Car toi, tu ne sommeilles. Tu ne sommeilles. C'est tiré du psaume 119. Voilà. Le psaume 119, tu as voulu donner une certaine couleur. Hein, parce que là, je vois, c'est bien versifié. Hein. Oui. Je dévance l'éveil. Oui. Hein, c'est ça. Donc, on voit sommeil. Mm-hmm. On voit veille. Hein, oui. Et voilà. Je t'implore. Hein, l'aurore. C'est quoi tout ça? C'est beau. Oui, oui, oui, c'est beau. Là, c'est une question d'être seul à seul avec son Seigneur. Mm-hmm. Parce que quand je suis dans mon lit, je n'ai que mes pensées. Mm-hmm. Quand je suis dans mon lit, je n'ai que mon rêve. Mm-hmm. Quand je suis dans mon lit, je fais un peu un bilan de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai rencontré durant la journée. Mm-hmm. Et quand je me réveille, je décide de dévancer l'aurore parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui m'ont éloigné de l'Éternel, mon Dieu. Et c'est le temps propice pour moi de parler à mon Dieu. C'est l'heure de parler à Jésus. En tout cas, on sent que tu parles. Oui. Puisque il y a, je compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va dire pratiquement 10 strophes. Hein. Oui. Ça, c'est bien. On a de quoi dire au Seigneur. Tu parles à ton Dieu. Oui. Et puis là, on cherche et. C'est pratiquement vers la fin que tu m'as aimé et intervient. Oui, j'ai la foi que Seigneur tu m'as aimé. Je reconnais d'abord mes erreurs. C'est ça. Parce qu'avant de te parler de ton amour, c'est vrai que je m'appuie sur l'amour, mais je reconnais que je suis fautive. Je reconnais que je me suis éloignée de toi. Et je me souviens, Seigneur, des temps d'intimité que j'avais avec toi. Je veux les retrouver. Donc au nom de ton amour, Seigneur, viens, recueille-moi, accepte-moi de nouveau dans ta présence, Père. Et là, je m'appuie sur l'amour de Dieu parce que tu m'as aimé et au nom de ton amour, tu as donné ta vie. Alors, je vois, hein, auditeur, hein, c'est bien écrit. Je vois ici, c'est en aphore. Hein. On voit que, effectivement, tu insistes hein, toujours en début de phrase hein, pour dire que c'est Dieu. Hein. Oui. Par ton nom puissant, guéris mon âme. Par ton nom puissant, par ton nom, tu insistes là-dessus. Oui, oui, à cause de ton nom. Par ton nom qui est puissant. Seigneur, à cause de ton alliance. Réponds-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Guéris mon cœur. Par ton nom puissant, libère ma vie. Hein. Amen. Par ton nom puissant, ramène-moi sur la voie. Sur la voie. Et puis, à un moment donné, hein, on sent que dans la manière de rendre le chant, à un moment donné, bon, ici par exemple, tu chantes. Hein. Allons-y les doigts. Oui. Et puis, voilà. Par ton nom puissant, guéris ma vie. Voilà. Par ton nom puissant, je m'appuie sur ton nom. Rien que par ton nom. Par ton là, tu parles. Oui. Et puis, un peu de. Je suis perdu, papa. Je parle de la manière de rendre les chants. Oui. Au moment où tu. le débit, le niveau de la voix monte. Et puis, après, au moment où tu chuchotes. Voilà. Oui, là, je suis dans ma chambre. Ouais, c'est donc, ça. Dieu tout nous a vraiment aidés. Ouais. Parce que c'est vraiment pas donné quand nous faisons les prises en studio de rendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que chaque fois, recouper, reprenez. Là, j'ai prié. Je dis ce jour-là, Seigneur, je veux commencer par tu m'as aimé. Et j'avais la voix qui n'était pas encore réchauffée entièrement. Donc, vous avez tout ce qui est effet, effet de voix un peu endormie dans cette œuvre. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur qui nous a conduits. Parce que pendant qu'on faisait la présence de Dieu avait inondé la salle et je n'étais plus proche du micro, j'étais loin. On s'inquiétait du fait que je sois loin du micro, mais bizarrement, le son a été pris, a été capté et moi, je me suis laissé emporter. Dieu était là. Oui, Dieu était là, il a toujours été là, il nous a vraiment surpris. On a compris qu'il nous a envoyé une œuvre merveilleuse à la gloire de son nom. Auditeur, si tu viens de nous prendre en marche, tu fais bien. Hein? Tu es avec nous à Jésus en musique. Et nous parlons de Yeshua, ton nom des merveilles, de Florence Dedo. Hein? Alors Florence, quand je coûte, hein? on est là juste pour ça, hein, pour parcourir tout l'album. Je veux dire, quand on t'écoute, la manière dont ça nous étonne pas, vous êtes professeur de musique. Gloire à Dieu. Alors, on s'est dit, mais. Pourquoi est-ce que maintenant sur l'album c'est une inscription divine. Pour la petite histoire, je voulais être médecin. Voilà, donc déjà, j'étais inscrite en SN pour faire ensuite le tronc commun et autres. C'est là-bas que le Seigneur me saisit, me dit non, je t'envoie à l'école de musique. C'était vraiment difficile avec la famille, mais j'ai passé quand même. Accepté. Ah bon, une fille qui est aussi intelligente, pas pour me vanter, mais c'était la grâce de Dieu. J'ai passé le concours. Bon, ma maman regardait, dit autant te laisser faire ce que ton cœur veut faire. Et je me suis inscrite à l'école nationale de musique. Le Seigneur a permis que j'apprenne. Du moment où je suis rentré dans cette école avec l'instruction divine, je ne pouvais désormais que marcher sous instruction divine. Et quand le temps de l'album est arrivé, le Seigneur a dit, c'est le temps, sors une œuvre. La psalmiste, il faut le dire, avant ça avait sorti Jésus le médicament. Ah bon? Oui, quand vous entendez le son zouglou qui dit c'est un médicament qui n'a pas de date de péremption. Eh. Mmh. C'est toujours sous instruction divine. Mmh. Le Seigneur nous dit. Alors, mais là, on ne comprend rien. quand on voit ce genre musical, oui. C'est complètement. C'est différent. Pourquoi? J'explique. Parce que là, le Seigneur me dit produit une œuvre pour aider à l'évangélisation. Donc moi je suis ivoirienne, je suis en Côte d'Ivoire. Il faut mettre à la disposition du corps de Christ une œuvre qui permette d'évangéliser facilement. Et quand j'ai observé, j'ai vu que le Zouglou fait partie des identités culturelles de la Côte d'Ivoire. Donc en tant que professeur de musique, par la grâce de Dieu, j'ai préféré travailler dans cette logique, permettre à quiconque, où que ce soit, de faire de la musique avec Jésus le médicament. Et c'est par la suite que Dieu va nous inspirer Yeshua, ton nom m'émerveille, pour rapprocher son peuple de lui. Donc Yeshua, ton nom m'émerveille, est purement adoration. En tout cas, oui, c'est que tu as choisi ce registre-là. Hein? Oui, oui. Voilà, c'est le Seigneur qui nous a conduits. Voilà, on écoute toujours, hein, tu m'as aimé. Voilà, parce que c'est quand même le premier titre, hein, puis elle a eu le temps d'expliquer cela. On écoute Tu m'as aimé de Florence Lido. Des jours d'autrefois, des temps d'intimité, où j'allais dans ta présence pour te contempler, pour t'adorer. Je m'en souviens, Seigneur. Je te désire. Alors ça, on sent que. Pense-le-moi de nouveau. Guéris mon âme, Seigneur. Pense-le-moi de nouveau. Je me suis. Que Dieu le bénisse au passage. Je le salue. On a voulu laisser nos cœurs parler à Dieu. Parce qu'on a compris que c'est une œuvre missionnaire. Donc nous sommes mis dans la disposition qu'il fallait et nous avons laissé le Saint-Esprit nous guider. Alors l'album est sorti depuis quand? Depuis le 1er octobre, officiellement. Sinon déjà, depuis le 1er septembre, c'était disponible sur les sites de téléchargement en ligne. Voilà, donc depuis le 1er octobre, on peut avoir accès à l'album de façon physique. D'accord. Alors on va pas être prétentieux. Oui. Je veux dire qu'on est toujours dans le mois d'octobre. Hein? Oui, oui. Voilà. Est-ce que déjà, on peut dire qu'il y a, il y a de bonnes réactions? Oui, effectivement. Les gens sont contents et bénis. Voilà. Les gens sont. Dernièrement, j'ai eu un autre témoignage. Je dis un autre parce qu'il y avait eu plus dur. J'ai offert le CD à un papa qui devait aller en mission. Et là-bas, il a fait que jouer ça en boucle. Et à son retour, il me dit, j'ai tellement joué que j'ai des amis musulmans qui m'ont approché pour me demander, mais qui chante? Donc lui, il m'a dit qu'il était vraiment surpris de voir que des musulmans s'intéressent à la musique chrétienne. Et surtout, le chant « Tu m'as aimé ». Donc ils ont commencé à demander qui est-ce qui chante, parce que c'est vrai que tu joues, mais nous, ça nous touche. Ça fait quelque chose. Bon, ils n'ont pas les termes appropriés, mais ils disent que ça nous donne une sorte de chair de poule, ça nous touche, ça nous donne de réfléchir beaucoup. Donc, je bénis déjà le Seigneur qui, au-delà de ses enfants, touche des non-convertis. Que son nom soit béni. En tout cas, on est vraiment contents. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est musicalement c'est très difficile, hein, qu'on fasse un chant et que vraiment les paroles, et puis c'est pratiquement comme je l'ai dit tout à l'heure que vers la fin que les chœurs interviennent. Oui. Parce qu'on était depuis en train de chercher Tu m'as aimé, mais on ne trouve pas. On ne trouve pas. Vers la fin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il fallait qu'on te laisse le temps de t'exprimer. On avait de quoi dire au Seigneur. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, vraiment. Nous sommes perdus. Seigneur, j'ai déconné, je me suis éloigné. Et je me rends compte que la voie que j'ai empruntée n'est pas la bonne. Donc, Seigneur, je reviens. Avant même que quelqu'un d'autre n'intervienne, Père, regarde-moi et guéris-moi. Parlons entre nous, de père à fille. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ouais, en tout cas. Je sais que tu es le berger de mon âme, Jésus. Ah, les bons Alors là maintenant tu te laisses aller hein. Oui oui oui. Ça c'est les effets du studio c'est oui. Ouais. Du studio mais là ouais. Le parler en langue n'était pas prévu. Ouais, justement donc, c'est la présence de Dieu qui descend oui, voilà donc on se laisse conduire voilà, voilà. Et à la fin on sent une joie dans le cœur. Alors ça veut dire quoi? Ça a été pris en live. Oui en live. Mm-hmm. Au studio Amuc chez Tonton Christian comme on l'appelle mm-hmm. communément mm-hmm. à Makori. Mm-hmm. Donc là bas j'étais emporté, il y avait quelqu'un derrière qui me guidait mais qui pouvait plus m'arrêter parce que là j'étais emporté mmh. et j'ai commencé à prier avec la langue des anges et je commence. Et toi, allons-y donc. Dans le cantique, j'ai ri à un moment donné parce que la présence de Dieu qui vient lorsque j'ai prié, le Seigneur est tout simplement. On va illustrer. Le Seigneur est tout simplement en train de me dire : je suis là, mon enfant, je t'écoute, je reviens. C'est la joie. Et vers la fin, hein? Oui, je retrouve la paix. Je retrouve la vie. Je retrouve la vie. Laisse-toi aller, hein, alléluia. Alléluia. Adore le Seigneur ensemble. Tu reviens à toi, Père. Et je te vois me toucher. Toi qui guéris mon cœur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. Alors, ça, quand on voit la profondeur de ta vie, si tu m'as aimé, hein, est-ce que c'est une inspiration juste pour. Je sais pas. Ou bien c'est ton vécu que tu racontes. Parce que quand on voit les phrases ici, hein, guéris mon cœur, console-moi, voilà, je n'ai personne, je suis perdu. Voilà, mais je crois en toi, à ton amour, papa. Voilà, quand on. Ton papa. Voilà, c'est. Je dirais que c'est une combinaison c'est des deux. Voilà. Parce que tu m'as aimé et né avant. Dans les situations difficiles, les moments voilà. difficiles de la vie. Généralement, le Seigneur ne parle pas les cantiques. Mmh. Quand je suis en train de prier, Seigneur, pourquoi? Je veux entendre forcément un cantique. Quand j'entends, pour moi, le Seigneur m'a donné une indication. Donc j'ai entendu, tu m'as aimé, tu ne me laisseras point tomber. Seigneur, tu m'as aimé, tu ne me laisseras point tomber. Et un autre matin, longtemps après, parce que ce cantique, il est né depuis longtemps. Il a plus de 6 à 7 ans voilà. d'existence. Ça, c'est bien. Donc quand le cantique est né, dernièrement, j'ai dit au Seigneur, tu reviens. Je veux être un instrument entre tes mains. Je remarque que la foi de plusieurs est en train de baisser. Inspire-moi un cantique pour donner à tes enfants de revenir à toi. Parce que cette flamme que nous avions pour quelques-uns parmi nous, on ne la retrouve plus. Alors j'entends, ramène-moi sur la voie. Je me souviens des jours d'autrefois, des temps d'intimité que j'avais avec toi. Donc Seigneur, je suis perdu, je veux revenir. Donc, en plus de tu m'as aimé pour me montrer que Père, tu ne m'abandonnes pas, je viens te rappeler les temps que j'avais avec toi. Seigneur, je suis perdu. Dans le cantique, je dis, je suis perdu au papa. Papa, parce que tu es mon papa. Je c'est peux ça. T'appeler avec c'est affection. Ça. Je n'ai pas besoin de te vouvoyer parce que tu es pour moi. Donc, j'ai la possibilité. De nouveau. Voilà, de nouveau. Ça dit. Envoie une nouvelle flamme. C'est ça, c'est ramène-moi. Ça. J'étais là, je me suis égaré. Je désire retrouver le chemin de ta maison. De ta maison. Ouais, alléluia. Ouais, voilà, voilà. Je veux retrouver. Je veux te retrouver. Comme l'enfant prodigue. Oui, tout simplement. Donc, tu m'as aimé, viens pour te concilier l'enfant de Dieu avec son Dieu. Seigneur, rien que par ton nom. Oui. Rien que par ton nom. Par ton nom, ici, voilà. Le nom n'est pas signifié, mais Jésus est le nom qui nous rapproche de Dieu. Nous avions péché, mais c'est ce nom-là qui nous donne accès à la présence de Dieu. Le nom qui nous réconcilie avec Yahweh. On est content. Amen, on rappelle hein, ce que vous êtes, comme elle nous le recommande, hein, vous êtes dans l'intimité avec nous. Hein, c'est pourquoi, voilà, je sais que vous voulez continuer, comme ce papa qui, eh bien, en boucle, écoutait ça, voilà. Mais c'est pas compliqué, hein, c'est pour ça que Florence Dedo nous donne rendez-vous le 1er novembre. Hein, voilà, voilà. Hein, Living Praise. Living Praise, voilà. C'est une expression anglaise. Ouais. C'est vrai que c'est en anglais, mais ça veut tout simplement dire louange vivante. Ouais. Oui, il est question pour nous ici de célébrer Jésus, la vie. Voilà. Le monde a pris l'habitude de parler de mort le 1er novembre. Ouais. Mais en réalité, ça, nous savons que la mort a été vaincue. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui a dominé la mort, qui a pris les clés. On va y revenir. Ok. Hein. Donc ça, c'est le 1er novembre. Puis il y a aussi le 7 décembre, là, c'est la dédicace. Dédicace de l'album. Voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Pour l'instant, merci. On va écouter Florence Dedo dans Elia. Elia. Il y a quoi ? Pourquoi ? C'est une expression. J'aime particulièrement ce morceau. Oui, Elia, c'est un cantique de témoignage. Elie veut dire mon Dieu. Yahweh, c'est l'abréviation de Yahweh. Donc quand je crie Elia, ça veut dire que mon Dieu est Yahweh. Et je veux le crier devant tout le monde, sans honte ni peur, parce que quand je sorte de sa présence, il y a une réconciliation. Voici celui qui est mon Dieu. Elie. Dieu, on l'écoute. Fidèle à soyez ton béni. Alliance à tes refaits me donne papa de confesser ton nom. Les accords, oui, ils sont restés et on a joué sur l'évolution des accords. Reviens, on va rester allons-y. Tu m'as touché, voilà. Tu m'as lavé, voilà. Tu m'as guéri, m'a positionné. Ça c'est difficile ça. Non, c'est pas difficile, il faut juste appliquer son oreille. Et avec aussi les arrangeurs qui nous guident un peu, on peut faire ça. Alors ça c'est quoi ? Est-ce que dans ce cadre-là, ici, est-ce que c'est... Il va revenir sur la partie. Alors est-ce que c'est... Je vais dire, c'est... Il faut que l'instrumentiste soit très aiguisé pour pouvoir... suivre. Voilà, parce que là, comme on l'a dit, on a l'impression, on a l'impression qu'on a fait une petite progression, qu'on est revenu, oui. Voilà, alors qu'on est resté. Maintenant, c'est toi à ton niveau. Ouais, est-ce que tu as chanté le cantique oui. Donc les musiciens n'ont fait que progresser. Ils t'ont accompagné. Ils m'ont accompagné. Mmh. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai senti. De chanter le cantique, de conclure juste le bout de phrase avant de rentrer. Là, vous voyez les chœurs qui sont entrés. Voilà. Donc, c'était une sorte de petite conclusion de la première partie. Alors, Edouard, reviens au début de phrase, au début du morceau, voilà, au tout début. Voilà, les premières phrases qui annoncent. Voilà, écoutez ça. Voilà. Lève le ton, le son. Toujours dans la joie, après tu m'as aimé, mon Dieu qui m'a exaucé. Je veux reconnaître que Yahweh est mon Dieu. Parce que lui. Vous voyez ici, malgré tout. On a l'impression que c'est très lointain. Reviens, Edouard. Avant qu'elle n'intervienne, avant que qu'elle n'entende, qu'elle dise Élie, il y a eu. Voilà, écoutez ça, voilà. Alors, ça, c'est. On est en train de scénariser, hein. On se voit dans un film. Hein. Oui, dans un film. Une coloration qui explique un peu ça. Et pour cette coloration du jeu du piano, je l'ai demandé expressément au pianiste. Voilà, j'ai voulu qu'on commence à monter dans la coloration. Parce que quand on se réconcilie avec Dieu, on entre dans sa sainte présence. Et quand le roi vient, c'est les éloges. Nous venons devant Dieu. On commence à monter. On prépare l'esprit. Voilà, crescendo. On prépare l'esprit. J'ai fait pardonner. C'est le temps. Me donne papa de confesser ton nom. Elie, Elie, mon Dieu. Yahweh me donne papa. Toujours oui, papa. La notion d'intimité qui apparaît ici. Oui, effectivement. C'est notre papa. Il est papa. Quand on dit papa à la maison, c'est un acte d'affection. À la maison n'appelle pas son père père. Mon cœur crie Elia. Oh chérie, notre Dieu qui nous aime tant. Et les expressions, hein, les expressions de, effectivement, de papa interviennent régulièrement ici. Hein, on voit ici, hein, je vois, voilà, mon cœur crie Elia. Et non, le Elia, il est tel que tu le prononces, c'est tendre, c'est Elia. Voilà. Elia. Voilà. Je l'ai rendu un peu musical. Voilà, voilà. Voilà. Mon cœur dit Elie. Elie. Avant que ma bouche le confesse, voilà, il faut que tu m'as touché. Tu m'as touché. Ouais, le cœur qui est touché. Oui. Tu m'as lavé. Ouais. Tu m'as guéri. Et tu ensuite. Tu m'as positionné. Oui, hein? Tu m'as positionné. Donc, moi qui étais tombé dans la boue, comme vous avez dit tout à l'heure, le produit, tu es venu, tu m'as touché. Et tu m'as lavé par ton sang. Ensuite, tu as guéri toutes mes blessures. Et puis tu m'as positionné pour que je règne avec toi. Voilà un peu le témoignage. Et puis ce que tu as fait, mon cœur crie, je Elia. Donc je chante Elia, Elia, Elia, Elia. Tout simplement, c'est ce que je veux dire. C'est seulement cette phrase, ce mot-là que je veux dire. Elia. C'est des envolés, moi je suis dans la salle, je t'ai déjà emporté. Hein? Oui. J'étais devant le trône. Et puis ce cantique là particulièrement, il est né pendant que nous étions en train de répéter avec une équipe de louanges. Et j'ai commencé à le chanter. C'est né avec El Rapha, Elohim. Mm-hmm. Et pour finir, on a terminé avec Elia. Il m'a dit chante Elia. Oui, je vous. Oui, tout le monde se relâche. Tout le monde se relâche. Il faut qu'on dise que Elie est notre Dieu. On n'a pas honte de le dire. Voilà, pour tout ça, hein, on dit 3000 francs. Je pense que, hein, en tout cas, bon, comme on est en radio, vous ne voyez pas. Sinon, vraiment, la pochette, c'est très bien présenté. Merci, vraiment, vraiment, merci. Vraiment. Ça donne envie. Hein. On a même pas... Ça a été édité en France. On a même pas l'envie d'enlever le CD pour jouer. On veut le conserver. Hein. Oui. Voilà. C'est bien présenté, c'est bien fait. Merci. Là, c'est beau le design. Et tout ça pour 3000 francs. 3000 francs. 3000 voilà. Francs. L'objectif est de développer l'esprit d'adoration au sein du peuple de Dieu. Alors, on peut avoir l'album On peut avoir l'album. Ici même à Fréquence Vie, à Sokossé, au Fnac Cap Sud, dans les librairies Adoration, à Ozana FM, à la librairie Life au plateau. Et au siège de Logimatic Worship, la structure elle-même qui a produit cet album. Voilà, Logimatic Worship est situé au rond-point de la Palmeraie. Voilà, quand vous arrivez là, vous allez trouver un immeuble qui est juste à côté de la banque SGBCI. Vous entrez, vous demandez tout simplement le siège de Logimatic Worship. Aussi, vous pouvez appeler. Allons-y, voilà. Le contact, c'est en même temps pour dire aux auditeurs que On peut t'avoir. Oui, sans avec souci. Pour des... Tant que le programme glorifie le nom de Jésus, nous serons là avec le 22 49 24 17, le 22 49 24 17, le 54 04 26 29, 54 04 26 29. Donc okay. 54 04 26 29. Voilà. Ou le 22 49 24 17. Donc à ce numéro on a Florence Dedo. Voilà qui est clair. Voilà, on va rappeler que l'album est disponible ici Fnac. Oui. Sokossé, librairie Life Plateau. Oui. Librairie Adoration. Fréquence Vie. Ozana FM. Voilà. À 3000 francs, vous demandez Yeshua, ton nom merveille. Hein. Ça, c'est bien présenté. Hein. Merci. Alors, ça, c'est du bleu, un bleu. Un dégradé de bleu. Oui, vraiment, oui. Oui, vraiment. Parce qu'on a d'abord. Le bleu ciel. Oui, et puis, après, on vient au bleu turquoise. Oui. Après, on va au bleu roi. Voilà, et puis on s'en va jusqu'au bleu marine, on va jusqu'au bleu roi, on va au bleu nuit après. Ouais, bleu nuit, oui, c'est ça. C'est du bleu. Et là, et quand on est dans le bleu nuit, on voit des mains qui se lèvent. Des mains qui se lèvent, juste pour adorer. Parce que dans la présence de Dieu. Mais pourquoi le caractère sombre, c'est quoi? Pas le caractère sombre, vraiment, parce que vous allez voir que les mains se lèvent là, et au fur et à mesure, la couleur s'éclaircit. Pour dire que les mains se lèvent dans l'obscurité pour atteindre le ciel ensuite. C'est pourquoi nous avons pris le bleu. Donc la main se lève quand tout est sombre et cette main progresse pour trouver le ciel ensuite. Alors c'est important d'éditer parce que tout s'explique en musique. Oui, tout s'explique. C'est très très très important. Voilà, on va poursuivre puisque nous sommes là pour vous donner un aperçu de tous les titres. Voilà, c'est un album de 5 titres. On va écouter maintenant Yeshua. Honneur et gloire à celui qui a payé le prix pour le salut de mon peuple. Lui a répondu à l'appel lancé par Dieu lorsque personne n'a voulu y répondre. Lui n'a pas tenu compte de sa position d'égal à Dieu, mais lui-même s'est livré en sacrifice pour ceux qui l'ont loué. Il est ainsi devenu le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Yeshua, tu mérites la louange. Reçois donc mes hommages. Une foule nombreuse se pressait pour voir l'homme condamné, épuisé par le poids terrifiant. Ce chemin menait tout droit au mont du calvaire, où le sacrifice de ceux qui ont voulu sa mort. Yeshua. Depuis, nous parlons avec nous sommes en train de parler des textes, de la musicalité, de l'arrangement, tout ce qui se trame autour de cet album de belle facture. On nous encourage à la voir. Hein. Vous savez, ce n'est pas toujours qu'on danse. Voilà, voilà. La musique n'a pas ce seul caractère-là. C'est vrai, il y a l'expression corporelle, mais il y a aussi le caractère méditatif. Amen. Voilà, c'est-à-dire que l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Voilà, je vous ai toujours enseigné ici que la musique est une personne. Amen. Voilà, la musique se fâche. La musique aussi réagit. Voilà, et la musique est une personne. Voilà, la musique a un corps, la musique a un esprit, la musique a une âme. C'est pourquoi souvent on dit, il n'a pas chanté dans l'esprit du chant. Parce qu'un chant a un esprit. Amen. Voilà, remarquez ici. Et dans le mercure, vous avez remarqué que le chant tel qu'il est conçu, vous remarquez que le guitariste qui fait des pincettes de temps en temps a des appels de réponse. Non, il répond. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est pas à tout moment qu'on fait des roulades. La musique se respecte. Vous remarquez ici, voilà. C'est une science exacte. Il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Pour moi, c'est la discipline la plus exacte qui soit. Oui. Parce qu'au ciel, voilà, il n'y a plus de mathématiques là-bas, c'est terminé. Il n'y a pas histoire géo. On va passer l'éternité dans sa présence. Et c'est le seul ministère qui va subsister. Amen. C'est pourquoi quand vous décryptez le mot musique, le M, le U, le S, le I, le Q, le U, le E, ça veut dire éternel. On attend musique. Amen. La musique est éternelle. Voilà, donc, c'est Dieu même. Alléluia. Est-ce que depuis que vous allez à l'école, vous avez une fois entendu quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la musique? Pourtant moi, le vieux a tout fait que j'aime les mathématiques. Mais il n'a pas pu. Donc c'est comme ça. C'est la seule discipline qui met tout le monde d'accord. Amen. C'est quand quelqu'un a dit que la musique n'a pas de frontières. Et c'est la vérité. Regardez ça. On a l'impression que c'est une américaine qui chante. Alors que c'est tout ivoirien. Et nous, la vérité. Mon mari est de Lakota, moi-même, je suis baoulé pur. Ça, c'est un mélange que je n'ai jamais vu. Je suis baoulé pur. Le baoulé, là, vraiment, il marie tout le monde. Moi, ma femme est baoulé. Bon, on dit que c'est parce que vous avez préféré. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Alors là, regardez ça. Amen. Oui, parce que apparemment c'est des accords simples. Mais regardez ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Même les chœurs, il faut arrondir. Oui. Regardez. On a l'impression que c'est simple. Hein. Mais quelqu'un a dit c'est ce qui est simple mais qui est difficile. C'est ça. Oui. Parce que comment rendre le simple? Oui, le simple. Oui. Je suis en train de dire que quand on écoute l'orchestration, mm-hmm. on comprend tout de suite que les musiciens qui t'ont accompagné, les instrumentistes, mm-hmm. se sont appropriés. Oui, les cantiques. Ouais. Les cantiques, on a eu des moments de séance de répétition ensemble, ouais. plusieurs, et quand on a fait à soi quelque chose de sûr, nous avons commencé avec les prises ensuite. Ils étaient tous informés que c'était pour l'adoration, donc pas de bruit. Conduire le peuple. Donc on a fait que conduire la louange ici. Regardez ça. Alors on a le batteur, hein? Oui, il se relâche. Voilà. Parce que c'est l'autre roi. Il a vaincu la voix régulière. Là, on est dans la louange. C'est expressif. Hein? Voilà, plus voilà. expressif. Donc on voyait la batterie maintenant qui. Voilà. Alors, Yeshua, ton nom de merveille, vous avez vu, hein? Que on a, en début d'émission, on a donné l'impression que le nombre de cantiques ne suffirait pas pour couvrir toute l'émission, mais on se rend compte qu'on est même en train de. Puisque les chants, voilà, tu m'avais par exemple fait 8 minutes et quelques, 8 minutes 43 secondes. Oui. Voilà, Yeshua, 7 minutes, voilà, donc il y a de la matière. Alors quand on fait l'addition, les totaux, on se rend compte qu'on tourne autour de 40 minutes. Mm-hmm. Voilà, et donc ça, c'est bon. En 40 Amen. Minutes, on peut être quand même rassasié. Rassasié, hein? Rassasié voilà, de la prise. Alors, revenons donc, pendant que ça passe en fond sonore, vous vous dites, oh, mais c'est aussi ça l'artifice de cette émission, c'est de ne pas vous laisser écouter de fond en comble, parce qu'il faut que vous alliez dans les kiosques. Vous procurer les voilà, CD. Pour demander, voilà, c'est très important. Amen. Voilà. Comme on dit chez vous, Drabegué. Non, moi, je ne parle pas d'Ida. Non, ça, c'est grave. Je ne parle pas d'Ida. Il faut que le prochain si bon millier. Si c'est en baoulé, ça peut aller. En baoulé, hein. Sans. Non, bien. Mais tu vas comprendre le tenu de ton mari. Mais il faut signifier que Yeshua, ton nom m'émerveille. La vidéo enregistrement est disponible actuellement. Ok. Sur Internet, vous allez sur YouTube taper Yeshua, ton nom m'émerveille. Vous allez voir un peu les visages de tous ceux qui sont intervenus et tout ça. On a balancé même. Oui, non, ici, déjà. Ici, j'avoue que le designer a été extraordinaire. Parce Alléluia. Quand on voit ton image, hein, vraiment, c'est. Si on ne fait pas attention, quand on te rencontre dans la rue, on risque de te dépasser. Voilà, me dépasser. C'est bien, en tout cas, c'est bien présenté. Hein, vous allez sur la page de la psalmiste, ça s'appelle Psalmiste Florence Dedo officiel. Papier vous allez glacé. Tout voir. Vraiment, c'est bien fait. Merci. Alors, revenons donc, hein, puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission. Mm-hmm. Hein, on va écouter un bout. Et là, c'est le titre. Pourquoi l'avons-nous en quatrième position? En quatrième position, parce que nous avons voulu respecter l'ordre. Chronologie, voilà. C'est vrai que c'est le titre phare, ouais. Ouais. Mais avant de nous retrouver pardon, devant le trône de l'agneau, mmh. il faut bien quand même que nous puissions revêtir les vêtements qu'il faut. Mmh. Donc on enlève les vieux vêtements. Ouais, auditeur, c'est expressement. Hein. Même les titres, hein, voilà. Voilà, ça, voilà on faut... proclame ensuite que Élie est notre Dieu, ouais. mais comment est-ce que nous avons accès à lui? C'est Yeshua. Ouais. On retrace le chemin de la croix. Christ a souffert pour nous. Ouais. Et quand nous avons retracé le chemin de la croix, nous voyons l'agneau sur le trône. Mmh. Et Yeshua, ce titre, vient relater ce que nous voyons sur le trône. L'agneau est sur le trône. Alléluia. Voilà. Et on dit, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur. Alors, tout ça, on va revivre. Oui. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Living Prayer, c'est à l'église Sema, hein. Oui. Carrefour, Sapa Pompier, Yopou, Kamp, Kamp. Oui. L'entrée est gratuite. Voilà, nous venons célébrer, proclamer la vie de Jésus. C'est pourquoi ce grand moment portera le thème de Yeshua, mmh. ton nom m'émerveille. Mmh. Parce que nous sommes dans les temps où Jésus doit s'implanter dans nos vies. Et nous devons être actifs acteurs du réveil spirituel autour de nous. Et pendant ce temps, l'album, la promo continue. Oui, la promo continue. Voilà. Le temps de permettre aux auditeurs de s'en imprégner. Mm-hmm. Et puis maintenant, on ouvre le grand format. Le grand format. Le 7 décembre, c'est la dédicace. La dédicace. La dédicace. Ce sera aussi gratuit. Mm-hmm. Vous viendrez avec vos CD et vous verrez la psalmiste en fait. Voilà, comme j'ai dit, nous travaillons sous instruction divine. Le jour où le Seigneur nous dira faites ceci, on ben, ira. C'est gratuit, mais quand tu viens au moins voilà, avec, quand même, avec ton CD. Ouais. Ou bien tu auras des CD sur place. Oui, parce qu'on va sur place. On va dédicacer ce jour-là. Donc le 1er novembre, on célèbre la vie gratuitement. Oui. Je serai aussi avec le groupe Eden et Momentania ce jour-là. Oui. Et le 7 décembre pour la dédicace. Voilà. On va donc avoir une idée, juste un aperçu, parce qu'on a dit que Yeshua, ton nom, me merveille. Il y a quand même la version acoustique, voilà. La version acoustique de Yeshua, ton nom, me merveille. Et là, on a changé un peu le début, parce que j'ai pas voulu faire typiquement acoustique. C'est vrai que ce sont les lignes mélodiques qui sont chantées, les phrases, mais on a changé un peu le début. Bon. Et moi, je l'aime particulièrement, parce que pour la prise de ce chant-là, on n'a pas fait de reprise. Il se faut. Oui, allons-y, allons-y, allons-y, allons-y, allons-y. Avec le pianiste et le guitariste, on s'est laissé emporter. Alléluia. Tu as eu le passage des accords là. Oui. Ils sont vraiment excellents. Je salue au passage Elidad Kouti et le pianiste. On a l'impression qu'il ne joue pas. Admirable conseiller, rédempteur de tous les hommes, le prince de paix, mon Messie, Hamashiach. Tu viens d'utiliser les expressions un peu. Admirable conseiller, rédempteur de tous les hommes, je puis Elia. Bon, mon époux est pasteur. C'est beaucoup musical, quoi. Oui, c'est musical. Et bon, les cantiques aussi viennent comme ça. Hein. Quand je les entends comme ça souvent. Et c'est parfois après que je vais chercher le thème. Puisque j'ai mon époux qui est pasteur. Donc, je prends les documents et je fouille. Ça veut dire quoi? Quand je ne comprends pas, il m'explique mieux. Et ça me donne de comprendre un peu où le Seigneur m'envoie. Ah oui, j'ai compris. On dit quand la femme ne comprend pas, quand c'était à la maison, elle va demander à son mari. Moi, je lui demande, ça, il est vraiment avec moi. Je salue le pasteur Dedo au passage qui nous écoute. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, elles sont nombreuses les femmes qui nous encouragent. C'est pas un tacor au mari qui nous dira le contraire, l'épouse de notre collègue. Ah, Florence, j'ai pas envie de t'écouter. Oui, moi également. L'adoration, on ne peut pas s'arrêter, ça ne finit pas. Donc là, quand on est emporté, on veut laisser les mains tendues vers le ciel. Et parfois même se coucher et rester là. Que Dieu vous bénisse. 22 49 24 17. 22 49 24 17 54 04 26 29. 54 04 26 29. Et puis, le 1er novembre, nous donne rendez-vous à Yopougon, camp militaire, au Carrefour. Sapeurs-pompiers à l'église Sema pour un concert live, gratuit. C'est à partir de quelle heure? 13h. Et puis le 7 décembre, la dédicace de l'album. La dédicace de l'album. Voilà. Restez à l'écoute puisqu'on va revenir là-dessus. On va déterminer le lieu et l'heure. En tout cas, Edouard, merci d'avoir été à la manipulation technique. Maître Douglas, maître de cœur, merci d'être venu nous encourager. On a beaucoup parlé musique technique. Il est très content, il n'aime que ça. Ntako, merci, maître de cœur Ntako aussi. Voilà. Ce n'est que des musiciens, Edouard, Ntako et Douglas. Alléluia. Et votre serviteur. Voilà, tout le temps, on a eu beaucoup de plaisir à vous avoir servi en présentant l'album Florence, c'est ça? Florence Dedo, je n'ai pas voulu me tromper. Voilà. Ton nom me merveille. En tout cas, il faut l'avoir absolument disponible ici à la radio Fréquence Vie. Deux plateaux, Sokossé, c'est ça? Sokossé, Librairie Live, voilà. Librairie Adoration, Ozala FM. Voilà, Cap Sud. Sud, tout ça. Voilà. 3000 francs seulement. Merci de nous avoir suivis et puis je compte sur vous pour vous arracher cet album pour vous et pour aussi l'offrir, pourquoi pas, à un ami, à quelqu'un qu'on aime. Voilà, ça lui fera du bien. Vous aurez apporté votre pierre à l'édifice. Il faut que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Alors, merci beaucoup. C'était Jésus en musique. Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. l'honneur. Tu es digne, papa, de recevoir la gloire et l'honneur. Par ton sang, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as guéri. Je te bénis, par ton sang, tu m'as restauré. Je suis devenu.